Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le Nyon-Wensio, un territoire non cédé, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Bonsoir Mathilde. Salut Christelle. Comment vas-tu? Ça va bien, oui, toi? Oui, je suis heureuse d'être à l'antenne ce soir. C'est une soirée importante à Québec aujourd'hui. On va faire une émission qui va conserver sa programmation prévue. On a plein de sujets à l'émission, mais on va aussi faire un détour obligé pour saluer Paryse Martin qui nous a quittés aujourd'hui, qui est décédée aujourd'hui. Une grande artiste. Puis une femme qui a inspiré des milliers et des milliers d'artistes, de travailleurs culturels, de gens, de personnes qu'elle a su aimer, à qui elle a donné le courage d'être ce qu'ils sont et d'œuvrer dans le domaine des arts visuels avec autant de franchise et de sincérité. Paryse, c'est une femme qui a donné énormément à la communauté artistique de Québec. Et son décès aujourd'hui rend trouble toute la communauté. On se demande comment saluer sa mort dignement. Et puis, je me suis retrouvée à 16h cet après-midi avec tout un groupe d'artistes à la cuisine en train de prendre un verre, mais surtout de partager des souvenirs qu'on avait en commun ou qu'on était les seuls à détenir, d'images ou de bons mots que Paryse avait su placer au fur et à mesure de notre carrière pour nous transmettre l'audace, pour nous transmettre le courage, pour nous transmettre la confiance nécessaire pour choisir cette vocation-là, puis y travailler sincèrement, avoir aussi la rigueur du travail d'artiste, mais aussi et surtout la confiance d'oser se présenter au monde comme artiste et de faire les œuvres qui nous traversent. Je sais pas, Mathilde, si toi, tu as envie de dire salut à Paris ce soir. j'ai un peu le cœur gros, je vous dirais, ce soir aussi. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'expérience personnelle comme ça avec Paryse. Je l'ai pas eu vraiment comme enseignante, mais je sais que c'est une artiste, une personne qui a touché beaucoup sa communauté dans l'université, dans le monde des arts à Québec aussi. Puis, je suis consciente que c'est quelque chose de gros ce soir qui se passe, honnêtement. Ouais, je pense que ça va bouleverser la communauté artistique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à venir. Elle a un show rétrospectif qui est présentement en montre au Musée de Baie-Saint-Paul, Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On a reçu Audrey Carreau en janvier. Paryse avait accepté, mais n'avait pas pu se présenter à l'émission parce qu'elle était déjà, en fait, avec un gros virus. Et elle n'était pas assez en forme pour venir nous rejoindre en entrevue. Et Audrey nous avait parlé de son désir d'inscrire Paryse Martin dans l'histoire de l'art canadien. Je pense que c'est le moment ou jamais de le faire. Il y a des grandes œuvres d'art public qui sont en cours de production aussi, qui vont être installées à Québec incessamment. Donc, on aura des occasions répétées au cours des prochaines semaines et encore des prochains mois pour la célébrer, pour se souvenir de son travail et de l'impact qu'elle a eu sur la communauté. J'ai croisé Vénétia tout à l'heure, possiblement Vénétia, qui est une artiste qui a été grandement influencée par Paryse, qui savait cueillir dans la communauté toutes sortes de personnes extraordinaires qui auraient peut-être tombé à côté du milieu de l'art si elle n'avait pas eu Paryse pour les encourager puis les mettre, leur donner confiance d'aller vers ce grand destin. Et Vénétia me disait que Paryse avait une citation... Elle disait « Vivre pour vrai, ça prend du courage pour de vrai. » Alors, on la salue ce soir, cette grande dame au regard franc. Et puis, on va faire l'émission comme c'était prévu. Néanmoins, on va trouver à tous les détours, toutes les occasions pour lui rendre hommage. Ça, c'est certain. Alors, ce soir à l'émission, on avait prévu d'abord de recevoir Myriam Leland qui nous proposait une entrevue avec une artiste du nom de Sophie Ouellette qui expose présentement au pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale de Québec, une expo qui est en montre jusqu'au 9 mars. Ensuite, je reçois Magali Hébert-Huot, une artiste qui a une grosse expo présentement en montre à la Galerie des arts visuels dans le cadre de Manif d'art. Et on va terminer l'émission avec Valérie Giroux, une chroniqueur extraordinaire, nouvelle chroniqueur, mais tout à fait dévouée, qui nous a préparé un topo sur l'exposition Cénotaphe de Jannick Deslauriers, qui est en montre à la Chambre Blanche jusqu'au 28 avril, aussi dans le cadre de Manif d'art. Est-ce que tu veux nous présenter la sélection audio pour ce soir, Mathilde? Oui, bien sûr. Donc, comme d'habitude, Simon Roy, notre fidèle ménomane à CKRL, nous propose de découvrir Satellite Jockey. C'est un band qui est comme une machine à remonter le temps et à le redescendre, qui a été créé en 2011 à Lyon, en France. L'album qu'on écoute ce soir s'appelle Play Music et c'est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, le 1er février 2024. C'est exact. On écoute la piste Mouvement et on revient au retour de cette écoute avec Myriam Leland. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, l'émission sur l'actualité artistique diffusée à CKRL au 89.1. Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console, aux médias sociaux, à la mise en onde, mais surtout accompagnée en studio pour une première fois par Sophie Ouellette. Bonsoir Sophie. Allô Christelle. Très heureuse de te rencontrer. Oui, moi aussi, vraiment. Et c'est grâce à Myriam Leland. Bonsoir Myriam. Bonsoir Christelle. Myriam, grande chroniqueur, mais surtout grande animatrice, mentor de puis cette maintenant, émission. Puis maintenant. Mais bon, allez. Alors, je te passe le micro, Myriam, tu fais mieux ça que moi. Bon, différemment, on va dire, là, mieux. C'est quand bon. Même en mettre épais. Mais oui, j'avais envie de recevoir Sophie ce soir pour parler de ton exposition, Sophie. Oui. Louanger les orages. Oui. Qui est en montre au pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du oui. Québec, dans l'Agora, dans oui. le fond. Première expérience d'exposition à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Qui est un lieu assez particulier aussi. Mais j'aurais comme déjà envie de t'entendre, surtout là-dessus, c'est la chose que j'avais le plus hâte de te demander. Comment est-ce que tu as trouvé ça ou comment tu trouves ça, en fait, l'expérience d'exposer tes œuvres qui sont, ben pour ceux qui... Je me lance déjà, là, pour les gens qui ne connaissent pas la pratique de Sophie, c'est ce que tu nommes de l'abstraction lyrique. Donc, de l'abstraction, mais inspirée de ton quotidien, de, par exemple, de paysages. Parfois, il va avoir certains éléments symboliques. Donc, d'un premier abord, c'est de l'abstraction très colorée, que c'est ce que tu nommes abstraction lyrique. Donc, voilà, je me demandais comment trouves-tu justement tes œuvres dans cet espace-là de l'Assemblée nationale, qui est assez particulier, comme je disais. Ah, vraiment, c'est une architecture impressionnante. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter l'Assemblée nationale, mais de voir l'Agora de l'Assemblée nationale, qui est un petit lieu moyen. C'est pas petit, j'ai dit petit, mais quand même moyen, mais tout en rondeur. Oui, c'est ça. L'acoustique est extraordinaire. Ça fait un petit peu penser, là, genre beurre épais, là, mais ça fait un petit peu penser à l'architecture du Guggenheim, avec un couloir en spirale qui fait tous les étages, mais au centre, on a cette Agora-là qui vraiment la hauteur. Justement, la hauteur de tous les étages, exactement. C'est tout ce qui caractérise les lieux oui. de pouvoir, en fait, cette ouais. espèce de possibilité de s'élever. Avec exactement, le but de lumière, c'est ce que j'allais dire. Puis même, il y a des gens qui me disaient, Sophie, de l'extérieur, en regardant par le puits de lumière, on voit tes œuvres à l'intérieur. Ah oui, ça, c'est vraiment c'est incroyable. Tu sais, mais outre ça, c'est vraiment une belle place. C'est vraiment un lieu phénoménal, je trouve, là, tu sais, pour ses lumières, son architecture. La lecture des œuvres se fait super bien parce que la lumière est vraiment, vraiment intéressante. C'est vraiment bien mise en valeur. Là. C'est vraiment une superbe place. Ça vaut le détour. Là. Oui, pour venir voir l'expo, mais aussi pour se promener. Là, oui. Parce qu'on pense pas que c'est ouvert au public, l'Assemblée nationale. Mais ils veulent vraiment que ce soit un lieu citoyen. Donc, c'est vraiment invité au public pour que les gens puissent aller voir et faire leur tour. Là, mais ça vaut vraiment le détour. Là. Oui, super je suis vraiment place. D'accord. Je mentionne d'ailleurs pour les gens qui auraient envie d'aller visiter ton exposition, puisqu'elle se trouve jusqu'au 8 mars, donc jusqu'à ce samedi. Vendredi. Le samedi. 9. Oui. Jusqu'au 9 mars. Oui. Merveilleux, une journée de plus. Oui. Il ne faut pas oublier d'apporter une pièce d'identité parce que, oui, c'est un lieu qui est ouvert au public. Il y a la sécurité. Qui est gratuit, mais il faut passer la sécurité d'abord, là, qui est très, très rapide et cordial. Ça reste un processus de sécurité, donc apportez votre pièce d'identité. C'est n'oubliez vraiment pas votre bien portefeuille dit, oui. cette journée-là. Non, c'est très important parce que sinon... Oui, c'est ça. Donc, pour cette exposition en particulier, tu as travaillé avec Roxane Gingras comme commissaire. Oui. qui a une maîtrise en histoire de l'art. Qu'elle a fait ici à l'Université Laval. Exactement. Oui. Est-ce que c'était la première fois que tu travailles avec Roxane? Non. Ben oui, c'est la première fois, dans le fond, que Roxane est commissaire pour une de mes expositions. Mais on avait déjà, tu sais, on se côtoyait, on se connaissait déjà avant. Mais oui, c'est une première, effectivement, pour un travail de commissariat de sa part. Là. OK. Oui. Puis qu'est-ce que ça a pu amener à ton exposition, à la compréhension de tes œuvres? Est-ce que ça a été plus au niveau de l'accrochage, au niveau de l'interprétation? Bien, au niveau du propos, dans le fond, tu sais, Roxane connaît bien mon travail, là, tu sais, au niveau pictural, connaît bien, dans le fond, les directions que je donne à mon travail. Tu sais, je travaille en art abstrait, donc moi, c'est le geste, le mouvement, l'empattement. Oui, c'est très lyrique, c'est très poétique, mais en même temps, c'est très engagé. Tu sais, mm-hmm. quand vous parliez tantôt d'être transparente, tu sais, quand on parlait de Paris tantôt, puis je m'associe pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais je reprends les mots. C'est bien correct de s'associer à elle, parce qu'elle a inspiré plusieurs générations. Oui, mais quand tu parlais tantôt d'être sincère, tu sais, je pense que c'est extrêmement important. Puis je pense que, tu sais, dans le travail, surtout le travail des femmes, qui est malheureusement souvent associé à l'esthétisme, je pense que c'est important de traverser ça, puis de mettre de l'avant le geste, tu sais, ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a dans les tripes, pour reprendre les mots de Cynthia Dinan Mitchell. Puis vraiment d'être authentique, d'être sincère dans ce qu'on fait. Mm-hmm. Donc ça, pour moi, c'était hyper important. Puis ça, Roxane, c'est quelque chose qui l'allumait beaucoup, qui l'intéressait vraiment beaucoup aussi. Puis elle s'est dit, Sophie, tu sais, pourquoi on collabore pas? Tu sais, c'est ce que tu me parles, ta démarche, tu sais, c'est très féministe, c'est très engagé, c'est très résilient, c'est très fort, c'est très... je me retrousse les manches et je vais de l'avant. Mm-hmm. Donc ça l'allumait vraiment beaucoup. Fait que c'est elle, dans le fond, et moi, mais surtout elle qui avait rédigé le propos, qui a fait la sélection des œuvres, qui a comme endossé l'exposition, mm-hmm. dans le fond. De belle réussite, puis je comprends tout à fait cette motivation-là de Roxane, puisque pour t'avoir rencontrée pour la première fois avec le collectif Sophie Emma, justement, pendant que vous étiez en résidence. Une deuxième résidence, je pense, à ce moment-là. Oui. À L'Autre Regard, à Lévis, c'est ça. C'est vrai qu'on sent là, cette... j'ai juste le mot drive, là, mais oui. Cette pulsion-là que t'as, justement, de cette sincérité-là, de sortir, comme tu dis, ce que t'as des tripes. Puis ça m'amène à penser, juste avant l'entrevue, là, j'étais allée voir ton site web, d'un coup, qu'il me manquait des petites informations. Puis là, j'ai vu une pièce en céramique qui date de janvier 2024. Oui. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est comme unique à travers toutes tes autres pièces. T'as des pièces de tournage, t'as des œuvres sur papier, sur toile cartonnée, etc. Mais là, ce sont des pierres volcaniques. Oui. Ça sort d'où par nous de ce processus-là? Ah là, je me suis dit, Sophie, let's go. Là, vas-y, Arline, là, vas-y, puis tu réfléchiras après. Tu sais, ça, c'est des choses que je fais souvent. Je me lance, je fabrique, je taponne, je crée, puis je pense après. Fait que je me suis dit, go, tu sais... Puis là, je réfléchissais à ça, dans le fond, tu sais, à quelque chose qui est très façonnage, mm-hmm. tu sais, avec des petites pieds, des petites aspérités. Oui, exactement. Rien de parfait, mais vraiment bas-relief, des fois des hauts-reliefs. Puis là, je me disais, ah, tu sais, moi, je travaille en santé mentale, hein, mm-hmm. Vincent et moi aussi. Puis je parle beaucoup de la force des pères aidants, des gens qui accompagnent l'autre, tu sais, les gens qui soutiennent, les gens qui... Ah là, je suis en train de vous dévoiler un autre projet d'expo, mais c'est pas grave. Yes! Mais, tu sais, je trouvais ça important, puis je me suis dit, my God, tu sais, des fois, on traverse des périodes difficiles dans nos vies, mais c'est les autres qui nous soutiennent, puis qui nous aident, tu sais, dans le fond, à faire cette traversée-là, tu sais, puis sans ces personnes-là, ces gens-là qui apportent leur pierre, tu sais, leur contribution, ben des fois, je me demande, tu sais, comment on peut passer au travers de certaines épreuves tout seul, tu sais. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, ces pierres-là, éventuellement, là, tu sais, vont comme jaser beaucoup avec mon pictural pour... Mais j'en voudrais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, mais c'est beaucoup, vraiment là. Intéressant, surtout dans le propos de louanger les orages, parce que c'est aussi... Par rapport à ça, toute ta pratique, mais particulièrement cette expo-là, de la résilience, de la force que ça prend pour passer à travers les épreuves de la vie, quelle qu'elle soit, finalement. Exact. Là, de venir ajouter tes petites pierres, justement, ça vient parler, de la résilience personnelle, mais aussi beaucoup du soutien de la communauté. Exact. Qui est juste crucial, finalement. Oh, tu vraiment. Le nommes. C'est impossible de passer à travers des épreuves, quelles qu'elles soient, finalement, sans notre réseau. Tout à fait. Puis, tu sais, vous le savez, tu sais, quand on a une pratique, tu sais, ça reste que les expos se chevauchent, tu sais, jasent entre elles, ça se rattache tout à notre démarche, tu sais, à notre propos. Fait que, veux pas, tu sais, un emboîte l'autre, un continue l'autre. Puis, c'est ça qui est beau aussi, tu sais, c'est un discours, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec les années, avec la maturité, avec le fait de s'assumer aussi, tu sais, comme on discutait tantôt, tu sais, de. Que ça parte du ventre, puis oui, de la tête, mais tu sais, d'avoir une sincérité puis une authenticité dans ce qu'on fait, je pense que c'est crucial, puis souvent, ça nous surprend, puis on se rend compte à quel point ça rejoint d'autres personnes, puis que ça fait du sens pour d'autres personnes, fait que, tu sais, d'avoir osé, puis d'avoir foncé, puis d'avoir assumé le sujet, des fois, c'est ça, on se rend compte que c'est touchant pour ça, parce que ça parle à d'autres personnes. Là. Oui, c'est ça, c'est aussi fascinant de voir dans les œuvres qui sont exposées, dans Louanger les orages, il y en a plusieurs, une majorité qui date de 2023, quelques-unes d'avant. Oui. Puis, en tout cas, pour moi, on voit une nette différence entre 2023 et les œuvres d'avant. Puis je me dis, est-ce que ça coïnciderait avec la naissance de Sophie Aimant en janvier 2022, justement? Oui. Une nouvelle, un nouveau input dans ton processus réflexif, une permission que tu t'es donnée peut-être de t'assumer un peu plus. J'ai l'impression que c'est plus horizontal déjà, moins éclaté, mais en même temps, il y a une force qui est là. J'ai l'impression que c'est plus dirigé, mais en même temps plus libre. Oui, vraiment. C'est vrai ce que tu dis, parce que dans le fond, Emmanuel puis moi, on avait commencé à travailler ensemble, c'est ça, 2022, dans ces eaux-là. T'as pas en 2024, je pense que c'est 2021. Sur ton site web, c'est marqué janvier 2022. Bon, ben c'est ça, 2022, merci de me ramener à l'autre. C'était vrai, c'est ça. Fait que dans le fond, oui, ça l'a contribué. Beaucoup, parce que, tu sais, Emmanuelle aussi, c'est une féministe comme moi, c'est une éco-féministe même, tu sais, parce qu'elle fait beaucoup de parallèles, Sophie Aimant, entre l'environnement, la crise environnementale, l'exploitation du territoire, puis l'exploitation du corps de la femme. C'est deux territoires, dans le fond, qui sont exploités. Et puis, c'est sûr que ça m'a drivée, en bon français, ça m'a poussée dans le dos, mais les artistes de Vincent et moi aussi me bousculent beaucoup, parce que on est vraiment dans quelque chose de très assumé, aussi, de très vrai, très authentique. On n'est pas dans la recherche du beau. Fait que ça aussi, le discours prend dessus, prédomine, tu sais, dans le fond, sur... Voudriez-vous le plugger comme fou avant qu'on termine cette entrevue, le Vincent et moi, dont vous avez parlé à quelques reprises, qui est un magnifique projet? Est-ce que vous voudrais le présenter, oui, Sophie? Oui, c'est un programme d'accompagnement artistique, dans le fond, qui est offert par le CIUSSS Capitale Nationale, qui est anciennement Robert Giffard, ici sur Canardière. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un programme d'accompagnement artistique pour des gens qui ont un diagnostic en santé mentale, mais qui ont plein de talents, puis qui ont vraiment beaucoup de choses à dire. Vraiment pour des artistes avec un diagnostic. Vraiment, tout à fait. Fait que j'adore le côté vrai, authentique, brut, sans contour, direct au point, même si des fois ça saisit, ça surprend, il y a de tout, tu sais, c'est des gens qui font de la photo, du pictural, du sculptural, il y a de tout. Je vous remercie à toutes les deux, quel bel échange. Merci Sophie. Ça fait plaisir, merci à vous. On invite tout le monde à aller voir ton expo Louanger les orages au pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale jusqu'à samedi 9 mars. N'oubliez pas votre carte d'identité. Mais sinon, on suit ton travail sur ton site web, sur les médias sociaux. Il y a des prochaines expos à venir. Oui, tout à fait. On a hâte de voir ça. Merci. On part en pause musicale. On se retrouve au retour de la pause avec Magali Hébert-Huot. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro. On est sur les ondes de CKRL 89.1. Mathilde Harvey-Morin est à la console et nous a aidé à setter up notre nouvelle invitée, Magali Hébert-Huot. Bonsoir Magali. Bonsoir, ça va bien? Si, ben oui, ça va, toi? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci de l'invitation, je suis très heureuse d'être ici. Ben là, c'était le temps qu'on se parle, parce que moi, j'avais pas pris l'ampleur de ta démarche et de ta carrière. Là, j'ai eu tout un choc. Fait que c'est la première fois que moi je vois une de tes expositions, mais c'est de loin la première expo que tu fais, là. Oui, exact. Mais c'est vrai qu'à Québec, tu sais, c'est la première exposition là, solo à Québec depuis que je suis revenue il y a environ 5 ans, ouais. OK. Fait que toi, tu avais quand même quelque chose aussi à faire pour... exposé chez toi, j'imagine que c'est spécial. Oui, oui, absolument. Puis surtout, tu sais, j'ai quand même été partie 12 ans. Donc, tu sais, de revenir dans un milieu et de se réapproprier un peu son milieu. Puis oui, non, c'est sûr que c'est spécial. Puis c'est une super opportunité, là, la Biennale en plus. Et à la Galerie des arts visuels, donc ouais. C'est parmi les shows les plus officiels qui se passent en ville. Absolument, oui. Fait que c'est beau, bravo. Merci. Mais le lien avec la galerie, il date pas d'hier, c'est-à-dire que grâce à Lisa Nadeau, j'ai pu retrouver dans les archives la résidence qui avait été faite l'année dernière, qui t'a permis de faire la recherche, c'est ça, je comprends. Oui, exactement. En fait, tu sais, déjà, c'était seté pour la Biennale et tout ça. Puis Lisanne avait déjà une idée avec la Galerie des arts visuels de commencer une résidence d'artiste, tu sais, puis d'avoir vraiment, tu sais, quelqu'un qui travaille dans la galerie, dans les ateliers, donc qui peut être en connexion avec les élèves, tu sais, qui peuvent être là, voir ce qui se passe et tout ça. Fait que j'ai un peu été le test, le premier test de tout ça. Donc c'est ça. Donc ça c'était au printemps l'année dernière. Ouais. Donc, ça fait un an que tu utilises les ateliers, que tu restes proche. Oui, quand même. Ben, tu sais, ça a surtout été un mois complet sur place. Puis j'ai eu la chance en plus d'avoir la galerie au complet. Donc, j'étais dans la galerie à travailler. Donc, vraiment pouvoir comprendre l'espace aussi. Là, ce qui est, tu sais, pour quelqu'un qui fait de la sculpture puis de l'installation, c'est... J'étais très choyée de vraiment pouvoir habiter cet espace-là là, aussi longtemps, ouais. Fait que là, l'expo s'appelle... Ça s'appelle Tram Hatch. Ouais. Là, moi, j'adore ça, là, l'effet miroir bilingue. Oui. Pas réelle traduction, mais il y a quelque chose qui se passe dans la binarité. Exactement, ouais. Ouais, puis aussi, tu sais, c'est ça, en même temps, là, je sais pas si... J'imagine qu'on va en parler, mais il y a une œuvre d'art public aussi dans la Biennale là, qui est abritée Snug. Donc, un peu qui est dans les mêmes... pour le titre, on est dans la même chose. Puis oui, c'est très important pour moi là d'être un peu c'est ça. Donc j'ai passé 12 ans en dehors du Québec, j'ai fait toutes mes études en anglais et tout ça. Puis je trouve que tu sais, étant canadienne, étant québécoise, il y a quelque chose d'important de jouer un peu entre les deux langues puis de se placer entre les deux langues sans que ce soit une traduction complète, mais peut-être de vivre cette zone grise là. À ce moment-là, ouais. Toi, t'as pas l'air d'avoir peur du discours identitaire. Non, absolument pas. Moi, là, ça me fascine. Parce que moi, écoute, c'est comme mettre sa main sur un rond de poil chaud, là, tu sais. Oui. Mais, oui, c'est une belle façon de le dire, oui. Mais t'as l'air de le faire avec une grande aise. Ben, je pense que, tu sais, ça vient avec le temps. C'était pas le cas au départ. Mais de se rendre compte qu'on est tout ça... et qu'on le vit, et que ben c'est bien dur que ce soit pas dans notre art non plus. Tu sais, oui, de se mettre à en parler, puis peut-être de jouer de plus en plus là-dessus, mais tu sais, je peux pas dire que je faisais ça autant, de façon aussi franche, peut-être, dans le passé. Là. Mais là, c'est assumé, oui. Puis c'est digéré même, parce que en fait, comme regardeur ou spectateur, même si on n'a pas de profonde réflexion sur l'art, on le comprend qu'il se passe quelque chose. Oui, on comprend qu'il y a quand même une espèce de non-binarité. On comprend qu'on parle de genre, qu'on essaie de déconstruire ce genre-là. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, c'est très basé quand même dans l'identité, je dirais, historique un peu, là, tu sais, oui. Du Québec et tout ça, et des clichés du coureur des bois. Ma cabane au Canada et de l'homme et tout ça. Qui est aussi, tu sais, avec le colonialisme, tout ça, ben, c'est tout ce qu'on a comme information. Donc, oui, de me réapproprier ça, puis peut-être de revoir et de réécrire un peu cette histoire-là de façon queer et non-binaire à ce moment-là, et plus féministe, donc. Puis pas en passant par les mots, en passant par la matière. Absolument, ouais. Ça, là, moi, là, écoute, ça pourrait pas être plus dans mes cordes que ça. Fait que, tu sais, j'ai pogné de quoi? Parce que moi, la rip pressée, les troncs d'arbres qui ont été dénudés peut-être par la steam ou par un processus qui implique de l'eau avec beaucoup de délicatesse, oui. Mais qui laisse en fait toute l'essence du travail du forestier, du travail du bois, en fait. Ouais, absolument. Puis tu sais, quand tu parles de la rip pressée, tu sais, le OSB, en fait, tu sais, moi, ça fait longtemps que je travaille avec ça, tu sais, qui est un matériau, tu sais, de base, là, vraiment, tous les planchers de nos maisons sont en dessous, c'est fait avec ça. Mais de le traiter comme du bois noble, tu sais, donc de le sabler jusqu'à un certain degré et tout ça. C'est toujours dans cette idée-là de comment on voit des matériaux peut-être, t'sais, qui représentent quelque chose d'autre. Donc, un peu comme les colonnes en face des maisons maintenant, les nouvelles maisons, mais ces colonnes-là sont faites en mousse expansée, en foam. Donc, ils soutiennent absolument rien, mais on les fait pour qu'ils représentent un peu cette pierre-là et ce soutien-là, et même peut-être avec un faux fini de marbre. Donc, tu sais, d'avoir, d'utiliser ces matériaux-là pour pouvoir travailler sur... cette ambiguïté-là un peu. Mais l'ambiguïté de ce qu'on utilise vraiment comme matériaux de construction, d'installation, de notre vivre ici, ouais. Des matériaux qui sont donc non dispendieux à cause justement de notre relation à la matérialité du territoire, ce qui pousse ici, ce qui est accessible ici, mais ce qu'on en fait, ce qu'on veut que ça ait l'air, dans quoi on veut s'inscrire symboliquement. Oui. Là, toi, tu subvertis toutes ces choses-là. Exactement, ouais. Tu prends la rive pressée puis tu nous fais des congères. Écoute, moi, je savais là, qu'on disait congères pour parler des bancs de neige, mais de le voir écrit dans une description oui. d'exposition, je me suis dit, waouh, on est rendu là. Oui, ben oui. Puis, tu sais, après ça, sur le dessus, c'est du stucco, tu sais. Oui. C'est vraiment du stucco de vieux murs des années oui. 80, c'est 100% ça. Puis, ben, c'est ça, de le rendre comme. Qui a une autre symbolique, mais aussi, c'est ça, qui a une noblesse aussi là-dedans, dans ces matériaux-là. Ouais. Mais qu'on y reconnaisse, en tout cas, la grande familiarité, de la matérialité des bungalows, puis des villes de régions éloignées, puis l'esthétique du banc de neige. Mais tout ça ramené dans un espace qui est éclairé délicatement. J'ai jamais vu les murs de la Galerie des arts visuels aussi bien éclairés, Magali. Ah ben là, ça, je vais dire merci aux fabuleux techniciens de la Galerie des arts visuels. Mais oui, il y a une importance de l'éclairage pour moi qui je pense à la minute où on fait de la sculpture, si on met un spot puis que ça devient théâtral, puis que ça crée des ombres, on est vraiment ailleurs que si on a une luminosité complète dans une galerie. Fait que oui, c'est sûr que... Il y a un grand souci ouais. de l'installation de tes pièces dans quelque chose de plus vaste. Oui, absolument. Au-delà ouais. des murs de la galerie. Oui, et puis de là aussi, l'idée d'utiliser la fenêtre et la réflexion de ce rose fluo là, qui vient amener une aura un peu à l'arrière du grand mur blanc de la galerie, ouais. Une des choses que j'ai remarquées que j'ai pas trouvées dans les textes puis dans tout ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est l'espèce de rappel à la joaillerie que j'ai trouvé des installations qui sont derrière le mur ouais. rose. Je le sens, tu sais, qu'il y a l'iconographie du panache, tu sais, de la décoration de prix de chasse ou de trophée de chasse. Oui, exact. Mais il y a quelque chose du bijou contemporain aussi. Oui, absolument. Ben, je pense que, tu sais, c'est pas quelque chose qui a été là souvent là, dans mon travail. C'est assez nouveau, cette réflexion-là. Mais oui, orner un mur, mais aussi orner le corps. Donc, de faire un peu ce parallèle-là. Donc, c'est là que la joaillerie, c'est un peu venu. Là. Et puis, un peu l'idée du mobile, pratiquement, là, dans ces pièces-là. Puis, tu sais, oui, il y a quelque chose de sexuel dans plusieurs des pièces aussi, tu sais, de par les matériaux, de par les couleurs et tout ça. Donc, c'est là où le rapport au corps est présent, ouais. On n'a pas parlé de ton projet d'art public parce que, moi, il m'impressionne un peu trop. Là. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur beaucoup de troncs d'arbres. Oui. Puis, tu sais, je trouve que déjà, c'est impressionnant de faire de l'art public, tu sais, en début de carrière. Ou peut-être que tu es en milieu de carrière, là, mais déjà, c'est un gros move, tu sais, c'est un flex. C'était vraiment... tu sais, c'est Marie qui m'a approché, la commissaire, pour ça. Puis, c'était un... Je veux dire, elle m'a fait confiance à 100% là-dessus et je l'en remercie. Parce que non, j'en avais pas fait énormément. Puis oui, c'était vraiment dans l'idée de faire quelque chose aussi. Marie parlait beaucoup d'avoir des artistes plus locaux, ou du moins du travail qui est fait ici pour leur public, au lieu d'amener en bateau de très grandes choses. Donc, je voulais plutôt aller avec quelque chose aussi qui était quand même écologique d'une certaine manière. Donc, on a ramassé tous les arbres du marché de Noël allemand et de la ville de Québec, les arbres de Noël, pour pouvoir créer cette œuvre-là. Ouais. Yes, bravo, bravo, bravo. On dit qu'il n'y a pas d'art public durable, mais c'est pas vrai. C'est ça. C'est là pour 2 mois, mais du moins... Ouais. Et tous les branches ont été ramassées aussi et utilisées par la suite. Donc, ah, c'est ouais. génial, ça. Écoute, Magali, je sais pas si tu aurais envie de dire salut à Paryse Martin, vu que c'est spécial dédicace pour cette grande femme ce soir. Absolument, oui. Moi, c'est ça. Donc, j'ai pas fait mon parcours ici, mais par contre, tu sais, j'ai eu la chance quand je suis arrivée à l'Œil de Poisson. Paryse faisait partie de mon comité créatif, qui était en fait le comité qui pensait au futur de l'œil, au futur des centres d'artistes, au futur de la ville de Québec. Donc pas la programmation, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ça a été une rencontre formidable, tu sais, d'avoir quelqu'un comme ça à chaque mois pour pouvoir parler de ce qu'est Québec comme ville culturellement. C'est dur à battre, absolument. Fait que la générosité puis l'impact de cette femme-là est encore pas mesurable aujourd'hui. Ah oui. Mais on peut la remercier, certainement. Absolument, oui. Bon, ben moi, je te remercie, Magali, d'avoir pris le temps de venir partager ta démarche, ta pratique. Merci à toi, c'est un plaisir. All right. Mais à suivre! Oui! Certainement pas ta dernière expo. Non, absolument pas. Non. OK, alors on va en pause publicitaire, et puis au retour de la pause, on écoute une toune. Puis après la toune, on parle avec Valérie de son commentaire sur l'expo de Yannick Deslauriers à la Chambre Blanche. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console et rejointe en studio par Valérie Giroux. Bonsoir Valérie. Bonsoir Christelle. Comment vas-tu? Ça va bien, j'ai le cœur gros un peu là, à voir tous les gens qui ont été touchés par Madame Martin. Puis moi, je voulais aller voir son expo à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, puis je retardais le moment. Puis là, on dirait que montre jusqu'en juin, puis c'est d'autant plus pertinent. C'est sûr. Et puis on a tout un épisode en janvier qui a été consacré à Paris. Audrey Caro était venue nous en parler. Elle nous parlait justement du travail qui avait été fait sur plus de 30 ans, presque 40 ans de carrière avec Paris. Pour monter ce show-là. J'imagine qu'il y aura des mobilisations autour de l'expo pour lui rendre hommage. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'aller à la rencontre des œuvres. Oui. Il y a une œuvre, notamment une méduse, une grande sculpture qui est au milieu de l'espace principal de la galerie au Musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul qui porte, qui a des yeux et qui incarne vraiment, franchement, de façon assez troublante, le regard de Paris. Et moi, ça m'a grandement bouleversée quand je me suis rendu compte à quel point Paris avait réussi à transmettre à une œuvre de matière, là, une énergie aussi proche de sa personnalité. J'ai mentionné ça tout à l'heure dans les discussions qu'il y avait à la cuisine. Et puis, Vénétia, justement, me disait, ça prend quelqu'un de vraiment sincère pour être capable de transférer à une matière un regard aussi franc puis aussi sensible. Alors, elle a laissé des petits bouts d'elle-même à beaucoup d'endroits, j'ai l'impression. Oui, puis dans le parcours de beaucoup d'artistes, on a fait un calcul rapidement, puis c'est probablement plus de 5000 personnes qu'elle a croisées à l'Université Laval alors qu'elle était chargée de cours depuis des dizaines d'années là-bas. Alors, t'es un peu comme moi, Val Giroux, on est un peu à l'extérieur de ce grand legs-là de l'héritage de Paris Martin, sauf que toi et moi, on est toutes les deux à la recherche de modèles, d'artistes, femmes qui se sont engagés dans leur carrière dans une forme de radicalité. Donc, faut les prendre quand on les croise, ces exemples-là. Oui, mais si vous voulez, si tu veux, moi, je peux te parler d'une autre artiste femme que j'ai découvert en fin de semaine. En fait, je vais vous parler de Yannick Deslauriers, qui présente une exposition à la Chambre Blanche dans le cadre de la Manif d'Or jusqu'au 28 avril, comme tu lui rappelais. La Chambre Blanche, c'est ouvert du mercredi au samedi et de 13 à 17 heures. C'est un peu précis comme horaire, mais je suis sûre que vous pouvez faire de la place. Donc, si vous êtes le moindrement curieux à propos des arts visuels puis que vous tenez dans le coin de Montréal, il y a probablement des chances que vous connaissez Yannick Deslauriers déjà. Elle utilise des techniques de couture pour faire des objets en trois dimensions en tissu. Souvent, la trois dimensions est créée par des fils de pêche transparents ou parfois des structures en métal qu'elle aura soudées. Puis, ça donne des objets qui ont l'air très fragiles, même fantomatiques à cause des couleurs très désaturées qu'elle utilise et aussi des tissus transparents qui reviennent souvent. Moi, j'avais déjà vu son travail sur les réseaux sociaux en ligne. J'avais vu aussi ce qu'elle faisait à la galerie Chiguet. Je sais plus comment Chiguère. On dit ça. Chiguère. Oui, elle est représentée anciennement par la Galerie 3, maintenant chez Chiguère. Donc, il y a toujours des pièces, en tout cas souvent dans les expos collectives, il y a une pièce de Yannick. Oui, j'avais vu notamment une grande roue, mais toute petite, mais vraiment magnifique. Puis cet hiver aussi, j'étais allée au Musée des Beaux-Arts, puis j'ai vu la chaise roulante à échelle humaine. Toute remplie de plein de petits détails, mais qui évoquent vraiment la chaise roulante, mais quand tu la regardes au niveau plus grand angle, grand... c'est ça, ben c'est vraiment magnifique. C'était dans la série Relique Body Extension. Puis avant d'aller voir l'exposition, j'ai fait quelques petites recherches pour la chronique pour ici à la radio, mais aussi pour m'imprégner de son univers. Puis je suis tombée, Christelle, sur le documentaire Yannick Deslauriers, Être imaginaire. Ah, qui a été financé par le 1700 La Poste. Mon Dieu, tu connais tout. Je suis en admiration devant toi. Mais non, je connais pas tout. Moi aussi, j'ai fait mes recherches. Ah! C'est vraiment une super artiste, Yannick Deslauriers. Puis le 1700 La Poste, c'est une galerie qui est une galerie privée, qui est issue du mécénat d'une femme qui a beaucoup de soins et de bienveillance envers les artistes qu'elle représente. Et elle a fait de moyens métrages pour chacun des artistes pour lesquels une expo a été. Puis Yannick en a bénéficié, puis c'est un documentaire extraordinaire. On la voit travailler, on la voit parler de sa démarche. Absolument, puis des fois, les documentaires sur des artistes, on pourrait croire que ça pourrait être un peu aride, tu sais, plus didactique ou même journalistique, mais ici, la réalisation de Bruno Boulian est vraiment incroyable. On a vraiment un esprit cinématographique, le travail sur le son est vraiment le fun. Je voulais vraiment le souligner parce que ça m'a surpris à quel point que la qualité de ce documentaire-là était bonne. On la voit, c'est ça, se promener à Montréal. On a une scène particulière qui m'a marquée, c'est quand elle va chercher de la cendre au Bagel Saint-Viateur pour l'incorporer à une de ses œuvres. Peut-être que je suis nostalgique de Montréal, mais j'ai adoré ce moment. Bref, allez le voir, c'est en lien sur son Instagram, ça vaut vraiment la peine. Sinon, sur le site du 1700 La Poste, tous les courts, moyens et longs métrages qu'ils ont faits sur les artistes qu'ils représentent sont disponibles en visionnement gratuit. Puis, dans ce documentaire-là, on apprenait l'intérêt particulier de Mme Deslauriers pour les objets qui portent le corps. Puis c'est ça qui m'amène à l'expo Cénotaphe, la force du sommeil, qui est défini dans Larousse comme un monument élevé à la mémoire de mort, mais qui ne contient pas ses restes, pour notre culture générale et pour mieux comprendre. Par contre, quand je suis arrivée sur place à la Chambre Blanche, sur le petit texte explicatif, on avait retiré le titre. Mmh. Il était marqué « sans titre » maintenant. Donc, je ne sais pas si le titre est encore le même. Mais il est là dans le programme de manif. Absolument. Oui, oui. Donc, quand on arrive, on traverse deux grandes portes, puis on fait face à un parcours... Un grand parcours labyrinthique blanc immaculé qui est créé par des murs blancs suspendus de polyéthylène, qui est en fait du film de plastique, qui donne un aspect très médical au lieu. Ça me faisait un peu penser au laboratoire scientifique temporaire pour aller, genre, faire des tests sur des extraterrestres, un peu comme dans E.T. C'est ça que ça me fait... Bref. On se promène là-dedans, puis on trouve, il y a des portes, il y a les murs, il y a les poignées qui sont cousues à la manière qu'on connaît que Mme Deslauriers fait, des petites poignées de portes pendantes. Il y a aussi des jeux de transparence avec des objets qui vont apparaître à travers les murs. Puis, on rencontre finalement, le clou du spectacle, des civières, des lits d'hôpitaux ou de contention, des cages, proportions humaines, des berceaux. Qui tient des plus petits humains. On a aussi des tubes en plastique qui rappellent beaucoup des tubes qui servent à la transfusion dans les hôpitaux, des fausses lumières d'opération toutes cousues à la main qui ont un aspect molâtre. Puis en fait, en se promenant là-dedans, on se rend compte que les seules composantes dures de l'exposition, c'est les objets qui servent à soutenir les corps, puis qui se démarquent du décor qui est tout blanc immaculé en fait. Aussi, un autre détail que j'ai remarqué, c'est ces objets-là qui servent à soulever les corps normalement, ils sont tous à hauteur normale, mais quand on prête attention, il n'y en a aucun qui touche le sol. Ils sont tous comme... En flottement. Ouais. Ce qui rajoute à l'effet fantomatique, éthérique. Oui. Du lieu, ouais. Mais aussi hanté. Oh, hanté? Ben... C'est sûr. C'est glauque. C'est une bonne manière de le voir. Puis, en mettant, dans le fond, l'avant ce type de lit, Mme Deslauriers, elle met des dispositifs... c'est ça, les lits, c'est des dispositifs qui servent au repos, normalement, mais ça met l'emphase sur le paradoxe qui existe dans la vie des objets en général. Parce que des fois, la raison pour laquelle des objets sont conçus, cette raison-là peut être totalement évacuée du sens que nous, on donne aux choses. Comme par exemple, quand moi j'étais là, les lits qui étaient présentés, j'avais pas envie de me coucher dedans. J'avais plus envie de... m'enfuir. Donc, c'est un beau paradoxe qu'elle nous fait vivre, aussi super bien exprimé grâce aux textures utilisées, les matériaux, la dureté des lits versus l'espèce de molleté, mollassitude de tout ce qui y entoure. Il y a une telle maîtrise du savoir-faire qu'elle emploie qu'on oublie la technicité. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de travail technique qui permet de créer, pour créer une telle enveloppe où on oublie les contours de la galerie, là. Mm-hmm. La petite chambre là, de la chambre blanche, elle a disparu derrière toute l'enveloppe que Yannick Delaurier a créée. Puis pour réussir ce coup de maître-là, il faut vraiment bien savoir maîtriser comment envelopper des espaces, ne pas étouffer le regardeur dans son parcours, dans sa déambulation, mais vraiment l'imprégner d'une ambiance autre. Vraiment. Puis elle maîtrise le fil de pêche d'une manière que je rêve de faire. Pouvoir suspendre des choses comme ça en 3D puis réussir à avoir cette dimension-là réaliste, là. Ouais. Très impressionnant. Ouais. Le caractère 2D du fil et du polyéthylène. Oui. est complètement oublié. On est trompé. On voit les objets, on voit leur dimension réelle alors qu'ils sont complètement représentés par un trait. Un trait. Hey, Valérie, je suis vraiment contente que tu te sois prêtée au jeu d'interpréter et de nous décrire avec une grande habileté puis beaucoup de poésie. Le travail de Yannick Delaurier, je te remercie beaucoup. Je vous encourage à aller le voir, c'est vraiment bien. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 28 avril. Absolument. Alors voilà, passez de jour, de semaine et le samedi jusqu'à 5 heures. Oui, exactement, de 1 à 5 heures. À la Chambre Blanche. Nous, on va pour une très, très courte pause musicale et on revient brièvement pour se dire au revoir et faire un très petit agenda de la semaine. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale Christelle Tremblay au micro. On est sur les ondes de CKRL 89.1 et je suis accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console et à la co-animation. Ce soir, il s'agit de faire un très, très court shout-out dans l'agenda de la semaine à une seule date pour une seule activité cette semaine. Il s'agit d'une projection gratuite de court-métrage d'animation qui a lieu demain, mercredi le 6 mars à 19h au Cinéma Beaumont. Il s'agit de projections féministes qui sont organisées par la Chère Claire Bonenfant. C'est une soirée de projection qui a pour thème femmes et sexualité. La chaire Claire Bonenfant est spécialisée en femmes, savoir et société. C'est une chaire de recherche de l'Université Laval. Elles sont fières de présenter une initiative cinématographique unique. C'est une programmation spéciale qui met en lumière une sélection inédite de courts-métrages internationaux, tous réalisés par des femmes. Et il s'agit d'une projection pour un public adulte. Il y a encore des billets. Moi, j'y serai. Je vous invite à y venir. C'est très, très rare qu'on a la chance de voir des courts-métrages d'animation réalisés par des femmes qui parlent de sexualité gratuitement. Voilà. Alors, j'attends au cinéma Beaumont. Et puis, c'est ainsi que se termine cette émission de l'aérospatiale cette semaine. On remercie tout particulièrement Sophie Ouellette, notre invitée, et Magali Hébert Huot, notre deuxième invité, qui ont si généreusement partagé non seulement les informations et leurs démarches et leurs intentions artistiques pour leurs expos qui sont présentement en montre, mais qui ont aussi généreusement accepté de dire un salut senti et affectueux à Paris Martin. Merci à Myriam Leland, notre chroniqueur, Valérie Giroux, autre chroniqueur, et un merci tout spécial à toi, Mathilde Harvey-Morin, de m'accompagner dans cette belle aventure. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.